Il existe autant de mondes que d'individus. Époque révolue d'un monde, montée en rouage, tendance par sondage et plus. Plus par manifestation, ni par révolution, sioniste et multinationale comme Monsanto. Un monde sans toi, depuis les trous dans la couche d'ozone et les neiges qui fondent au nord. Au sud, les bombes et les banques mondiales qui leur font honneur. Tiers monde, il y en a bien trois. Il y en a bien trois, mais tous immondes, car tous issus des esprits fécondes, des catacombes. Combes, c'est ceci qui envoie les faibles dans l'autre monde. Donc une ronde impossible autour du monde. Puisqu'ici les gens qui tendent les mains sont les gens qui tombent. Ceux qui t'entraînent vers le fond, vers le bas. Ce bas monde qui n'assouvit que nos désirs d'emballage sous vide. De prête à penser et d'une blonde, fais ton choix. Un monde d'égal, un monde d'égo, hein, qui dégoûte, il y en a trois. Il y en a trois, choisis ton monde, mais sache que dans mon monde. Dans mon monde, on y poigne à marcher seul, sidéré par leurs principes, consomme et ferme ta gueule. Dans mon monde, je vois des cornes sur vos têtes quand vous pleurez pour des télés, des voitures, des baskets. De mon monde, je sens ces niveaux conscience massacrés par des images imprégnées jusqu'à l'essence. Mais dans mon monde, peu nombreux, mais on se bat. Mais je peux te jurer qu'ici, on est nombreux à croire en toi. Dans mon monde, on a gardé notre cœur d'enfant, donc on apprécie la vie, amusé par tous les temps. Dans mon monde, ça m'attriste de vous voir. Vous êtes bon, ce qui vous manque, c'est la quête du savoir. Dans mon monde, j'écris pour vos consciences, car je sais qu'elle est la clé qui protège de la démence. Mais dans mon monde, tu pleures à l'arrivée, car tu comprends depuis ta naissance, t'es constamment manipulé. Ce premier monde, c'est bien le nôtre, contenté peu, on manque de rien. On croit en Dieu, tu crois en rien, on croit au bien, donc pas dans le tien. Qu'un pas à faire pour sortir de la pénombre, puis de l'enfer, certains remontent pour nous rejoindre. Et qu'à nous tous, on soit le monde, car à nous tous, on est le nombre dans mon monde. On a foi en la révolution, sujet à leur disposition dans ton monde. On croit tirer profit de leur révolution dans ton monde. Dans ton monde, vous courez après les sols, normal. L'achat est la seule chose qui vous console. Parce que dans ton monde, on t'a détourné de Dieu. Car si t'as foi en rien, forcément t'as foi en eux, tu sais. Méfie-toi, car dans ton monde, tu réfléchis à la commande. De la vie, on n'aura pas pour tout le monde. Car dans ton monde, c'est les devises qui l'emportent. Les crises vous rapportent plus que les cœurs et les révoltes. Dans ton monde, les sectes font le ciel, insufflent vos pensées, articulent vos ficelles. Dans ton monde, le quotidien bastonne, il nous guide vers le faux et au fond nous emprisonne. Mais dans ton monde, on maquille la vérité, déguisée en bimbo, t'es obligé de l'accepter. Mais dans ton monde, on pense qu'on peut rien faire, on attend après les autres jusqu'à notre mise en terre. Ton monde n'est pas toujours comme tu l'as imaginé. Normal, le leur te guide à la place à laquelle ils t'ont destiné. Dessiné, certains peuples servent d'exemple à ton monde endoctriné. Né dans le leur, constamment percé dans l'erreur. L'amour classé comme leur cœur, l'injustice ancrée dans les mœurs. De place, ni pour nos frères, ni pour nos sœurs. Leur monde n'est pas humain, mais fait de sang, de chiffres et de douleurs dans le leur. Dans leur monde, l'important c'est le profit. Le profit, le profit, le profit ou le profit. Dans leur monde, Philippe Morris, Walmart, Matto, Publicis, Chanel, Monsanto, Dassault, Lagardère, Shell, Coca, Pizzer, Microsoft, à Apple, de Citigroup, à Google, de Disney à Vivendi. Malheureusement, leur monde se résume ainsi. Dans leur monde, ils se prennent pour Dieu, n'ont foi qu'en leur machine, pensant qu'un jour elles remplaceront les cieux. Dans leur monde, les lobbies nous dirigent, ont déjà décidé les 10 ans à venir. Dans leur monde, les subjectifs illusionnent. L'objectif, c'est que les normes prennent le pas sur l'affectif des hommes. Dans leur monde, on bride les hommes, puis ceux-ci se brident eux-mêmes sous produit de leur idole. Sache qu'un autre monde est possible, dans ton monde et dans leur monde. Faut pas de tout pour faire un monde, faut de l'amour pour faire un monde. Gay, N.A.M. Vendetta. Sous l'air du mal, le bien renaîtra.